Dans le cas de la sexualité, le discours vrai a été institutionnalisé, au moins pour une part considérable, comme discours obligatoire du sujet sur lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas organisé à partir de quelque chose qui se donnerait comme observation et examen en fonction de règles admises d'objectivité, mais que c'est autour de la pratique de l'aveu que le discours vrai sur la sexualité s'est organisé. Donc, disons si vous voulez, qu'à propos du sexe et du désir, le discours vrai s'est organisé autour d'un discours d'aveu sur une part de nous-mêmes que nous pouvons bien détester ou dont nous pouvons bien nous purifier, mais qui est cependant indissociable de ce que nous sommes. Vous aviez entre les mains le troisième volume de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Troisième et dernier volume tel que l'indiquent les éditions Gallimard sur la quatrième de couverture. Et pourtant, quelque chose vous manquait. Mais quoi ? Comme un sentiment d'inachevé. Comme si Foucault n'avait pas fini le travail et tout ce qu'il nous avait promis au début. Comme nous révéler comment tout avait changé, ou pas, avec le christianisme. L'aveu, la chair, la concupiscence et la suspicion. Heureusement, il y a eu 2018 et la publication posthume d'un quatrième volume. Aurons-nous toutes nos réponses ? Saurons-nous enfin pourquoi toute notre vérité, rien que notre vérité, est contenue dans notre sexualité ? Histoire de la sexualité de Michel Foucault, aujourd'hui, volume 4, Les aveux de la chair. Bonjour Frédéric Gros. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, professeur d'humanité politique, comme on dit maintenant à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de Foucault. Vous avez édité le quatrième volume de l'histoire de la sexualité, Les aveux de la chair, dont nous parlons ce matin. Alors il faut quand même dire que c'est une édition particulière, puisque ce quatrième volume de l'histoire de la sexualité est paru 34 ans après les volumes précédents, mais aussi donc 34 ans après la mort de Michel Foucault. Ça doit quand même être quelque chose, non, d'avoir entre les mains le manuscrit, cette responsabilité de finir cette histoire de la sexualité, Frédéric Gros. Ouais, tout à fait, d'autant que la spécificité, en tout cas l'originalité de ce dernier tome de l'histoire de la sexualité, c'est qu'en fait il a été écrit avant les autres, enfin au moins avant l'usage des plaisirs et le souci de soi. Donc il aurait dû paraître en deuxième même. Il aurait dû paraître en deuxième, et c'est au moment où il dépose, alors Foucault dépose son manuscrit chez Gallimard pour en avoir une première transcription parce qu'il tapait pas directement à la machine, et donc on est au tout début des années 80 et Paul Venn lui dit bah là quand même il manque quelque chose, quoi. C'est-à-dire tu peux pas faire paraître un projet sur l'histoire de la sexualité chrétienne sans examiner quand même enfin ce qui précède et la manière dont le régime antique de la sexualité à la fois ressemble et se distingue. Donc là il dit banco et puis il laisse de côté ce manuscrit, il se met dans l'écriture, le travail des deux volumes qu'on connaît, dont vous avez parlé hier et avant-hier. Et en 1984, au moment où il devait reprendre une dernière fois la lecture des aveux de la chair, bah, il meurt et pèse aussitôt sur ce manuscrit quelque chose comme une chape de plomb, c'est-à-dire ça devient, en tout cas pour toute une génération de chercheurs, de commentateurs, etc., le livre interdit, le livre impossible, dont on commence à se dire, mais est-ce qu'il l'a pas brûlé ? Enfin, les légendes les plus folles circulent, oui, c'est ça, et il était effectivement dans un coffre-fort d'une banque, etc. Mais vous aussi, alors, vous étiez chercheur à cette époque ? Oui, j'étais chercheur, mais si vous voulez, le problème, c'est que il y avait quand même cet interdit testamentaire très fort de pas de publication posthume. Mais ça, c'est ce que Foucault avait dit 2 ans avant sa mort, c'est ça ? Il avait dit ça. Il avait laissé une note. il avait laissé une note en disant « pas de publication posthume » et il aurait dit à ses proches « n'allez pas me faire le même coup que Kafka, etc. etc. » ou même que Nietzsche à aller éditer des notes de blanchisseuse. Et des notes avec des contresens. Des contresens. Bon, alors c'est vrai que depuis, on avait fait les cours au Collège de France en se disant « c'est de la parole publique, les 10 écrits, c'était tout ce qui était déjà paru ». Les aveux de la chair, en même temps, voilà, la famille hésitait. Et puis, il y a quand même ce fait qui est qu'il avait déposé le manuscrit chez Gallimard pour être édité. Donc, de toute façon, c'est pas un brouillon. Enfin, vous, même qui l'avait regardé, vous voyez bien que c'est pas du tout, il y a pas de blanc, il y a pas de phrase inachevée. C'est un vrai texte, mais il a fallu attendre plus de 30 ans pour que ce volume sur la sexualité chrétienne paraissent. Mais quand même, quand Foucault dépose ce manuscrit chez Gallimard au début des années 80, il n'a donc pas encore écrit le deuxième et troisième volume. L'écriture de ces deuxième et troisième volumes aurait pu quand même modifier en fait le fond de ce qu'il avait écrit dans Les aveux de la chair, donc dans le quatrième volume. Ça aurait pu complètement lui faire revoir certaines thèses, des thèses par rapport à la répression, des thèses par rapport à l'interdit, par rapport à l'ascétisme. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, il avait bien en tête ce volume et qu'il écrit les deux et trois à partir de là et pour faire converger et pour faire amener, si vous voulez, le souci de soi et l'usage de plaisir vers ce nouveau rivage. Et on voit bien qu'à l'intérieur de l'écriture du souci de soi et de l'usage des plaisirs, il y a des petites flèches comme ça qui sont lancées vers ce texte qui en fait est déjà écrit et qui s'appelait déjà Les aveux de la chair. Alors, une dernière question avant qu'on entende tout de suite la voix de Foucault et ce qu'il dit dans ses cours et qu'on retrouve en fait dans Les aveux de la chair. Les aveux de la chair, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce texte, Frédéric Gros, et en quoi l'histoire de la sexualité serait-elle incomplète sans ce dernier volume ? On y trouve, au fond, il y avait quelque chose, vous l'avez bien senti en parlant ces deux derniers jours du souci de soi et de l'usage des plaisirs. Il y avait au fond quelque chose d'un peu exotique dans l'idée d'une sexualité saturée de techniques où on se posait la question quelle fréquence, à quelle saison, qu'est-ce qu'il faut manger, avec qui, etc. On sentait bien qu'il s'agissait de décrire un régime de la sexualité où, au fond, on se retrouve pas tout à fait. C'est-à-dire que manquait l'espèce d'invention à la fois terrifiante et éclatante du christianisme, c'est-à-dire la question « qui es-tu ?» La question de notre identité. De qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce que ma manière de faire l'amour, qu'est-ce que ma manière de désirer ceci ou cela va me dire sur ce que serait ma vérité profonde. La vraie question des Grecs, c'était quelle forme dois-tu donner à ton existence ? Quelle forme ? C'est-à-dire, à partir de là... Donc pas encore l'identité. C'est pas l'identité, parce que c'est une question qui se... Alors, on a l'impression maintenant que la question « qui suis-je » est la plus vieille question de l'humanité. Mais en fait, pas du tout. La question « qui suis-je », qu'est-ce que ça veut dire ? Non. La question, en revanche, de ce que je dois faire de ma vie, en tant que ma vie est une espèce de matériau sur lequel je vais imprimer une forme, enfin ce qu'on va appeler l'esthétique de l'existence, ça oui, mais la question « qui suis-je », pour la poser, peut-être qu'il a fallu cette invention chrétienne du désir. Et donc voilà, ce qu'on apprend, c'est un mode de sexualité qui va tresser une continuité sans brisure jusqu'à nous. Il y a tout de même peu, je crois, de religions. Il y en a quelques-unes. Le christianisme n'est pas le seul. Mais enfin, il y a tout de même peu de religions qui imposent comme une des obligations absolument fondamentales de l'existence de raconter ses fautes. Et surtout, alors ça, le christianisme est seul à imposer cette confession d'une manière aussi régulière, aussi fréquente, la confession hebdomadaire dans les milieux catholiques. Enfin, moi, quand j'ai été élevé dans des collèges religieux, c'était au moment de la Seconde Guerre, là, la confession, une fois par semaine, était monnaie courante. Avec examen de conscience, et bien sûr, référence majeure au péché contre la chair comme le péché par excellence, c'est tout de même un espèce de dressage à ne prendre conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité, pas tout de même un dressage absolument formidable, et je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée. Je crois que vous êtes tellement foucaldien, Frédéric Gros, qu'en fait, ce que vient de dire Foucault dans cette archive, vous l'avez dit juste avant, avec des mots pratiquement similaires. Alors, juste, je le précise, c'est une archive du 11 janvier 1977, les après-midi de France Culture. Il ne s'agit donc pas des cours de Foucault hein, qui vont constituer la matière des aveux de la chair. Mais déjà, ça veut dire qu'en 77, il avait quand même cette idée que le christianisme était peut-être le moment clé, le tournant dans l'histoire où se jouait justement cette imbrication entre la sexualité et plus que la forme de soi ou la constitution éthique de l'individu, vraiment la formation d'une identité. Mais oui, c'est ça. Mais ça... Alors en même temps, j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois l'espèce de d'évidence folle qu'il faut réinterroger, parce que je veux dire, avec la sexualité, qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même faire des plaisirs, on peut quand même se donner des moments de bonheur, et le truc de dire avec votre sexualité ce que vous allez faire, c'est de la vérité sur vous-même. C'est vrai que ça nous est en même temps complètement évident, c'est-à-dire l'idée que dans notre sexualité, dans notre manière de la vivre, se joue quelque chose de notre identité, je reprends votre terme, et de notre vérité. Pour nous, c'est complètement évident, et en même temps, c'est quand même complètement fou. Oui, est-ce que notre sexualité est réductible à de l'identité? Est-ce que d'ailleurs il s'agit véritablement de l'identité parce que notre sexualité est mouvante, évolue à travers les âges, nos découvertes de nous-mêmes, justement à travers ce que Foucault appelle des pratiques? Est-ce que cette évidence, cette identification, d'ailleurs qu'on a interrogée dès le premier volume sur la volonté de savoir, elle est si évidente que ça? C'est ça, et puis je veux dire avec le deuxième verrou, premier verrouillage de dire... Le problème de votre sexualité, c'est moins la manière dont vous pouvez tirer plaisir de votre corps et de la rencontre de votre corps avec celui des autres, mais ce qui va se jouer dans la sexualité, c'est quelque chose qui relève de la vérité. Premier verrouillage, qui est quand même assez massif. Et le deuxième, qu'on entendait déjà dans votre archive, c'est cette manière dont on va faire fonctionner ensemble votre sexualité et votre vérité, c'est comme ça qu'on va vous faire obéir. Alors là, ça devient complètement... Parce qu'après tout, on peut se dire, mais oui, mais c'est vachement bien. Après tout, peut-être que ça a été, on y reviendra peut-être, mais une espèce de grande utopie qui a pu être portée un moment par la psychanalyse, de se dire, au fond, peut-être qu'il y a des blocages en moi, peut-être qu'il y a des entraves dont je vais me libérer précisément en interrogeant la vérité de mon désir. Et Foucault en plus dit, bah oui, c'est comme ça qu'on a inventé une manière de faire obéir les gens. C'est-à-dire quand, alors c'est ça qui, c'est un montage un peu compliqué, quoi, parce que c'est pas très intuitif. Voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est contre-intuitif. Ce qu'il dit dans le premier volume, La volonté de savoir, qu'on retrouve ici dans Les aveux de la chair, d'ailleurs ça doit être la suite directe, c'est quand même cette idée qu'il n'y a pas de répression. Foucault soutient cette thèse qu'il n'y a pas de répression de notre sexualité, qu'on ne se libère pas de la sexualité, puisque tous les discours sur la sexualité, même qui ont des atours répressifs, sont en fait des discours qui provoquent, qui entretiennent la sexualité et qui soutiennent l'idée que la sexualité, c'est notre identité. Mais pourquoi cela entraîne-t-il une forme d'obéissance alors du sujet? Puisque justement, si je me constitue à travers ma sexualité, je pourrais me constituer de manière libre. Bien sûr. Alors quand vous dites il n'y a pas de répression, je trouve que c'est un peu exagéré au sens... C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Foucault. Oui, bien sûr. Non, mais au sens où Foucault dit ou dirait plutôt, ne vous laissez pas... Parce que dire qu'il n'y a pas de répression sexuelle, en même temps, on peut pas... Enfin, je veux dire, il suffit de regarder l'histoire pour voir qu'elle a été scandée par des interdits. Mais c'est de dire, ne vous laissez pas fasciner par ça, ça n'est qu'une pièce d'un dispositif beaucoup plus général d'incitation, comme vous l'avez dit. Et l'incitation à parler... Le sexe, par exemple, est beaucoup plus importante que la censure sur le sexe. Et au fond, si vous voulez, c'est fasciné par « on n'a pas le droit de dire tel mot, on n'a pas le droit de dire tel mot, ah oui, la sexualité, c'est tabou, c'est interdit », là, vous comprendrez rien parce que ce qu'il faut voir, c'est que par le sexe, on vous fait parler. Mais vous entendez bien, dans ce que je dis là, quand je dis « par le sexe, on vous fait parler », On voit bien que peut se dessiner un horizon comme celui de l'obéissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la question « qui suis-je » elle n'est pas première. C'est un autre qui me demande « mais qui es-tu ?» C'est ça, c'est le fait de faire de la question « qui suis-je ?» un simple écho à la question « mais qui es-tu toi ?» qui fait que je rentre dans un dispositif d'obéissance. Pourquoi ? Je finis juste là-dessus, c'est parce que ce qui va se mettre en place avec le christianisme, c'est que le « qui es-tu » va supposer, pour pouvoir se développer, une parole adressée à un autre. Mais alors le « qui es-tu » ça pour moi c'est pas du tout évident, Frédéric Gros, parce que à travers la sexualité, mais peut-être suis-je imprégnée de mon époque et d'un individualisme crasse et une vision atomisée de l'individu, mais j'ai plutôt l'impression maintenant que la question est « qui suis-je ? Comment en fait je vais affirmer mon identité à travers mes pratiques sexuelles ?» Or là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qui s'est dessiné au moment du christianisme et de la mise en discours du sexe, c'est que on devait répondre à travers nos discours à une question qui nous était adressée de l'extérieur. Mais qui nous adressait cette question de l'extérieur? C'est une forme de dédoublement de nous-mêmes, d'instance supérieure religieuse. Je veux dire par là que même quand vous me dites, quand vous m'objectez, mais enfin c'est peut-être une question de génération, mais après tout, moi, la question qui suis-je, je la prends dans une espèce de spontanéité, oui, etc. Et j'entends plus l'espèce de d'injonction, voilà. Mais moi, je vous répondrai par le fait que, si vous voulez, que ces questions, c'est des énoncés sociaux. L'idée même que vous ne pourriez vous émanciper que par le fait de vous poser cette question, c'est de l'injonction sociale. C'est-à-dire que moi, je vois pas comment dire. Une autre manière de vous répondre serait de dire, vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui on demande à chacun d'être lui-même, soyez vous-même, soyez fier de vous-même, etc. Et en même temps, ça fonctionne. Bon, déjà, on s'est jamais autant ressemblé depuis qu'on s'est posé, qu'on a demandé aux gens d'être eux-mêmes, ils se sont jamais autant ressemblés. Bon, je veux dire, c'est quand même un peu L'universalité. Hein ? C'est ça l'universalité. Oui, enfin, moi j'appelle ça le conformisme, mais enfin bon, ça, après c'est une question de vocabulaire. Mais je pense que voilà, je pense que c'est un dispositif. Je pense que c'est, ou plutôt que, mais vous avez raison en même temps. Là où vous avez vraiment raison, c'est de dire qu'il y a quand même un décalage des époques, quoi. C'est que ces années 80, etc. On sentait peut-être, par exemple, quand Foucault dit « après tout, avec ce que je dis, on comprend un peu plus pourquoi la psychanalyse, c'est pas peut-être seulement de l'émancipation, mais c'est un peu normalisateur », je veux dire, à une époque où la psychanalyse n'était pas du tout, comme elle l'est aujourd'hui, en position de minoritaire, résistance, etc., par rapport aux neurosciences. Donc c'est vrai qu'il y a des effets de... Il y a des effets de datage, mais ça n'empêche pas que le moment où quelque chose se greffe entre notre sexualité, c'est ce qu'on fait de nos organes sexuels, on va y chercher quelque chose qui la manière dont précisément je vis ma sexualité dit quelque chose d'une vérité de moi-même. C'est complètement évident, sauf que voilà, que c'est historique et voilà. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Kowalski ? Je voudrais me confesser. Oh, Seigneur Jésus, qu'avez-vous fait ? Rien, inutile de vous inquiéter. Qu'est-ce que vous projetez ? Vous allez me confesser, oui ou non ? À quand remonte votre dernière confession ? Une éternité. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Quels sont vos péchés, mon fils ? Eh ben... En 1968, au sapin de Noël de l'usine, j'ai embrassé Betty Jablonski. Dorothy était dans la pièce à côté avec les autres femmes. C'est arrivé comme ça. Rien d'autre ? Rien d'autre ? Mais ça m'a perturbé presque toute ma vie. 10, je vous salue Marie, et 5, notre Père. Dieu vous pardonne parce qu'il vous aime. J'absous tous vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le fait que l'on soit pas tellement un corps mais une chair, c'est cela qui marque en l'homme la trace du péché originel. Et alors, par toutes les équivoques, les glissements de sens qu'il y a eu sur le mot de chair, la chair, c'est à la fois la trace du péché, enfin, c'est sa matérialisation, si vous voulez, en l'homme, et puis c'est en même temps le principe même de la concupiscence, du désir sexuel. Alors, le christianisme a toujours dit que la sexualité, c'était, en quelque sorte, la présence de Satan en l'homme. Donc c'était quelque chose de formidable. Il ne l'a jamais nié que c'était quelque chose de formidable. Toujours la voix de Foucault le 11 janvier 1977 dans les après-midi de France Culture où on entend véritablement ce nouage entre la vérité et la sexualité à partir déjà en fait avant le christianisme, mais disons nouage plus frappant, notamment avec l'aveu, il en a parlé dans l'extrait dans l'archive d'avant, mais aussi ce qu'on a entendu, la confession. C'est un extrait du film de Clint Eastwood, Gran Torino, et puis les confessions qui, en général, portent sur notre corps, mais au sens de chair. Donc on voit bien qu'il y a une double transformation, Frédéric Gros. D'une part, le fait que le sexe soit mis en discours, mais de la part même de celui qui pratique la sexualité, et sous une forme d'aveu, mais en plus la transformation de ce corps en chair, ça veut dire un corps qui est traversé par le désir, et potentiellement un désir culpabilisant. Ouais, c'est-à-dire qu'on pourrait dire ça en parlant d'invention du sexuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire en quoi ce qu'on va appeler le sexuel, c'est pas exactement la sexualité matériellement déterminée. Je remarquerais que il est question dans les aveux de la chair, il y a quand même un gros chapitre qui est consacré à la virginité. On pourrait se dire, mais enfin bon, c'est quand même peut-être pas très malin pour écrire sur la sexualité, d'aller étudier précisément ceux ou celles qui ont fait vœu de chasteté, qui ne la pratiquent pas, etc. Ou l'idée, c'est quand même plutôt l'absence de sexualité. Et là, Foucault dit, mais il y a quand même quelque chose de spécifique avec la virginité chrétienne, parce qu'on n'a pas attendu, évidemment, le christianisme pour inventer quelque chose qui serait l'idée que, par une purification du désir sexuel, on est plus proche des dieux. Enfin, il y avait les vestales romaines. Enfin, le monde païen est plein de vierges aussi, mais effectivement, l'idée des pères chrétiens, c'est de dire, attention, c'est quand même pas les mêmes. C'est quand même pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est pas les mêmes? C'est que, précisément, en dehors même de ne pas accomplir d'actes sexuels, ce qui, après tout, disent les pères chrétiens, c'est presque le... Enfin, ça pose des difficultés, mais c'est pas le plus difficile. Il s'agit quand même de traquer dans chacun de ces autres plaisirs, quand on lit, quand on écoute de la musique, quand on mange... Donc tous les plaisirs sensuels. D'aller voir si dans ces plaisirs-là ne se jouerait pas quand même quelque chose de sexuel. C'est-à-dire que la vraie virginité, disent les chrétiens, enfin tous les traités dont parle Foucault, que ce soit Grégoire de Nice, Méthode d'Olin, Basile d'Ancyre, etc., Jean Cassien pour les premières communautés d'hommes, de moines, etc., dans les monastères, la virginité, c'est-à-dire le simple fait négatif de pas avoir de relations sexuelles, pour être vraiment parfaite et chrétienne, doit s'accompagner d'un travail intérieur assez constant où je me dis, tiens, mais là, où j'ai pris du plaisir à manger, j'allais dire cette pomme, mais enfin l'exemple est presque trop... évident. Voilà, oui, trop évident, cette grappe de raisin, cette brioche, prenez ce que vous voulez. Jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sexuel là qui s'est joué? C'est ça l'invention du sexuel. Mais alors pourquoi? Pourquoi la sexualité a-t-elle été désignée comme la grande responsable, la source de la transformation du corps en chair, et c'est-à-dire donc en corps coupable? Encore coupable ou encore honteux. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, l'espèce de paradoxe assez violent auquel s'est heurté le christianisme dès le départ, c'est qu'au fond, évidemment, on va considérer, vous l'avez dit, que... Mais ça, c'est un vieux thème qui n'est pas du tout chrétien. Il est possible que quelque chose de la sexualité doivent être purifiés pour avoir un rapport plus spirituel. Je veux dire, ça c'est pas du christianisme. Je veux dire, vous prenez la République de Platon, vous prenez, je veux dire, tous les oui, auteurs. Oui, la régulation des plaisirs. Le... Tous les philosophes ont quand même Foucault. Dit qu'après tout, c'est pas en ayant une vie débauchée qu'on a le plus de chances d'accéder oui. au plaisir supérieur de l'intellect. Vous voyez. Oui, oui, ben ça d'accord. C'est pas... Et c'est ce que dit très bien Foucault dans les volumes 2 oui, et 3. Voilà. Oui, mais non, mais là. La différence, c'est la sexualité, justement. C'est la sexualité, et c'est que, en dehors de ça, c'est-à-dire dans les premières époques du christianisme, il faut bien voir que dans les premiers siècles, il y avait quand même l'idée, d'abord, que la fin du monde allait être relativement proche, et qu'au fond, la virginité était une manière, déjà, soit de revivre le premier état paradisiaque, soit de précipiter l'état, si vous voulez, auprès de Dieu dans des contemplations extatiques. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, la virginité devait être une... comment dire devait être très fortement valorisée. Mais ensuite, on s'est dit, oui, mais enfin, et qu'est-ce que vous faites de la parole de la jeunesse croissée, multipliée? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va augmenter le peuple chrétien si tout le monde se met à pratiquer la virginité? C'est-à-dire, assez vite, on passe pas deux générations. Donc les pères chrétiens se sont dit, ben non, il faut valoriser le mariage, quand même. Il faut valoriser le mariage. Tout en introduisant dans le rapport à la sexualité quelque chose, vous l'avez rappelé, qui rappelle qu'on est du côté de la faute. Donc c'est il y a une espèce d'ambiguïté première et indépassable. Mais enfin, vous savez vous-même quand on dit quand on parle d'une famille catho, on parle d'une famille avec de très nombreux enfants. Ben voilà, oui. tout de suite. Donc, vous voyez bien. Mais ce qui du coup est paradoxal. Eh ben oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ce que nous dit Foucault, parce que après, il y a trois chapitres dans Les aveux de la chair. Le deuxième, c'est être vierge. Le troisième, c'est être marié. Oui, et être marié. Voilà. Oui, et donc Foucault dit, enfin, partant bien sûr des textes des pères chrétiens, que le mariage n'est pas en fait la permission de forniquer à tout va, mais au contraire est une manière de réguler et d'empêcher la fornication en limitant le nombre de rapports sexuels au nombre d'enfants qu'on aimerait avoir. Alors, là aussi, si on prend les textes de ce qu'on appelle le moyen stoïcisme, etc., c'est-à-dire des gens comme Musonius Rufus, etc. Dès les cercles stoïciens, on a l'idée de ce qu'on appelle le couple. C'est-à-dire l'idée que la sexualité ne peut être justifiée et justifiable que si elle a comme but la reproduction des enfants. Je veux dire, c'est pas les chrétiens qui ont inventé ça. C'était, mais au mot près, chez les stoïciens. Ce qu'on lit d'ailleurs dans Le Souci de Soi. Hein. Voilà, et cela dit, après, évidemment, les chrétiens reprennent ça. Hein. Je dis pas qu'ils disent qu'on peut forniquer à tout va, pour reprendre votre expression, à l'intérieur d'un cadre conjugal. Donc, ils reprennent ça, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, la sexualité, elle doit être régulée, d'abord par le mariage, l'intérêt, mais même plus que ça. C'est-à-dire, il y a l'idée à l'intérieur du christianisme du devoir conjugal. Quand on parle d'idée du devoir conjugal, c'est qu'au fond, il faut même faire l'amour à l'intérieur du couple, parce que votre votre abstention, votre abstinence, voilà, je cherche. Vous êtes influencé par les législatives. Oui, ça doit être. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'y pensais pas, mais vous avez raison. C'est un effet collatéral des législatives. Donc, l'abstinence pourrait réveiller de mauvais désirs chez votre conjoint qui, s'il n'est pas satisfait, oui. à un moment, sera contraint d'aller ailleurs. Donc, les chrétiens disent, il faut faire l'amour. Et disent aussi, mais ça, les stoïciens le disaient, simplement, il faut faire l'amour, mais pour avoir des relations, pour avoir une progéniture, augmenter le peuple de Dieu, etc. Bon. Alors, après, ça va être quoi la marque? Parce que c'est ça qu'il essaye de trouver, Foucault. Et au fond, ce que lui a permis, parce que vous posiez la question en début d'émission, ce que lui a permis le trajet grec, c'est d'éviter un certain nombre d'idées reçues du « ah ouais, ça c'est chrétien, ça c'est chrétien ». Il dit maintenant c'est déjà chez les Grecs. Oui, de dire qu'il y avait un avant après le christianisme et que le christianisme aurait tout révolutionné à la sexualité. Et surtout qu'on aurait eu un âge d'or de la sexualité païenne et grecque où tout était merveilleux, où le désir était à fleur de peau et où au fond que la distinction homosexualité, hétérosexualité, bisexualité, tout ça, ça n'existait pas et que le christianisme serait venu et Vlan aurait posé son espèce de chape normalisatrice. Etc. Donc ça, voilà, le premier effet de cette histoire, c'est de dire tout ça est complètement faux. Mm-hmm. Ah, c'est-à-dire que chez les, la débauche, etc., on avait déjà la régulation des plaisirs. Il y avait de la régulation, mais vous avez raison, c'était de la régulation, c'était pas des interdits, tu ne convoiteras pas la femme, enfin le bien. C'est pas des injonctions. Voilà, c'est pas des injonctions sous la forme de la loi. Et c'est ça qui émerge avec le christianisme. Alors oui, c'était parce que jusque là on a parlé du nœud entre sexualité et vérité, et il manquait un troisième terme pour faire le triangle, qui est la loi. Loi, sexualité, vérité. Si vous faites fonctionner ensemble, vous avez le sujet de désir. Et donc plus le sujet de plaisir qu'on avait à l'Antiquité. Tout à fait. Et là, c'est le désir qui apparaît. Tout à fait. Et le seul truc de Foucault, c'est de dire, au fond, prenez Freud, prenez Lacan, ils reprennent le même triangle. Le sujet, la loi, la vérité de soi, la sexualité et la loi. Maintenant, si on revient au problème du mariage, pour essayer d'aller voir ce qui... Comment dire ? Parce que c'est un vrai problème. Comment saint Augustin va faire pour dire vous devez vous marier, mais maintenant on va essayer de réguler les relations sexuelles à l'intérieur du mariage? Eh ben, en se posant cette question qui peut vous paraître absurde, mais finalement, dans l'état de paradis terrestre. Adam avait-il des érections? Ève connaissait-elle des excitations sexuelles? Enfin, avait-il déjà une sexualité ou est-ce que c'était complètement séraphique? Alors, une question d'abord pour trouver des éléments, c'est absolument impossible, etc. Et il faut s'apercevoir que c'est autour de cette question des érections et des excitations sexuelles que s'est posée la question du mariage. Gardons-nous bien de croire que, dans le paradis, les premiers époux eussent besoin de cette concupiscence dont ils rougirent en se voilant, pour satisfaire à ces paroles de bénédiction, croissez et multipliez et remplissez la terre. C'est depuis le péché que naquit cette concupiscence. C'est depuis le péché que, déchue de l'empire qu'elle exerçait sur son corps, mais non déshéritée de toute pudeur, la nature sentit ce désordre, l'aperçut, en rougit, le couvrit. Quant à cette nuptiale bénédiction, croissez et multipliez et remplissez la terre, elle demeure encore après le crime. Toutefois, elle l'a précédée pour nous apprendre que la génération des enfants est une gloire du mariage, et non une peine du péché. Mais aujourd'hui, ne soupçonnant rien des félicités du paradis, les hommes s'imaginent que la vie n'eût pu s'y transmettre sans cette concupiscence qui les possède et dont nous voyons rougir l'honnêteté même du mariage. Les uns, dans leur incrédulité, rejettent avec mépris le divin témoignage du péché et de la confusion des premiers hommes, les autres le reçoivent et l'honorent. Mais par ces paroles, croissez et multipliez, ils ne veulent pas entendre la fécondité naturelle, parce qu'un texte assez semblable dit en un sens spirituel « Tu multiplieras par ta vertu les puissances de mon âme ». Mais ils refusent aux fruits de la chair d'avoir jamais pu naître, sinon comme aujourd'hui par cette concupiscence, fille du péché, et que, depuis le péché, la honte voit et couvre. Et ce n'est pas, disent-ils, dans le paradis, mais hors du paradis, que l'homme devait se reproduire, ainsi est-il arrivé. Nos premiers pères n'ont engendré que dans l'exil. Et pourquoi est-ce qu'ils font tellement d'enfants ? parce que chaque fois qu'un couple a un rapport sexuel, crac, ils ont un bébé. Mais nous, c'est pareil, Harry. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, comme vous le savez, nous avons deux enfants et nous avons eu deux rapports sexuels. Mais ça n'a rien à voir. On aurait pu avoir autant de rapports qu'on voulait. Ah oui? Oui, mais parce que nous sommes membres de l'Église protestante réformée qui a su se libérer de la puissance autocratique qu'exerçait la papauté au milieu du XVIe siècle, nous sommes autorisés à porter des gadgets qui empêchent la catastrophe. Je pourrais, si je le voulais, avoir des rapports sexuels avec vous. Oh oui, Harry. Et si je mettais ce tube en caoutchouc sur ma quéquette, eh bien je serais sûr que je viderais ma semente et que vous ne seriez pas imprégné. C'est là qu'être un vrai protestant est un avantage. Voilà une Église que je comprends. Voilà une Église qui convient à tous ceux qui respectent l'individu. Et le droit de l'individu à décider pour lui, homme ou femme. Un petit peu de Monty Python, le sens de la vie, pour dédramatiser hein, le texte qu'on a entendu juste avant, Frédéric Gros, qui n'est pas un texte de Michel Foucault, mais qui est un texte sur lequel Michel Foucault s'est beaucoup appuyé pour les aveux de la chair. C'est La Cité de Dieu de Saint-Augustin, un ouvrage rédigé entre 413 et 426. Il s'agit du livre 14, Conditions actuelles de l'homme, vivre sur la chair, vivre selon l'esprit. Alors un texte assez dur, est-ce que vous pouvez nous en donner l'idée principale et ce qu'en a retiré Foucault ? Ouais, parce qu'au fond, c'est assez, quand je dis que c'est assez simple, c'est une histoire. Il faut un peu se représenter les choses. C'est-à-dire que les pères chrétiens acceptent de poser la question de la sexualité entre Ève et Adam. Bon. Alors, première version, vous dites, mais non, il n'y avait pas de sexualité. Ils s'aimaient de manière tout à fait, un peu anachronique, platonicienne, chaste. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux plongés dans les plaisirs de la contemplation extatique de Dieu. Et puis, boum, le péché. Ce qui veut dire à ce moment-là que vous faites commencer la sexualité avec le péché originel. Ce qui est un paradoxe. C'est-à-dire que ça fait exister quelque chose sous la forme d'une négation. Bah, ouais, c'est ça. Vous êtes obligé de dire, après, la sexualité, c'est mal. Et donc, si c'est mal, quel est le devoir du vrai chrétien, c'est de ne pas avoir de sexualité, donc virginité. Après, encore une fois, oui, mais enfin, s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a plus d'hommes, on ne se reproduit pas et le peuple chrétien, c'est fini. Bon. Deuxième solution, c'est dire, mais si, bien sûr, il y avait de la sexualité, tout allait très bien, le péché originel, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Bon. Mais là, pardon, deuxième... deuxième impasse, eh ben ça signifiait que la sexualité, eh ben c'est complètement innocent et qu'on peut y aller, etc. Mmh. Donc, alors saint Augustin qui voit le problème va dessiner une espèce de ligne de crête complètement folle et en même temps déterminante pour dans la structuration de notre sexualité, de notre rapport à notre désir. Quand je dis à notre désir, c'est que c'est là que va apparaître ce qu'on appelle la subjectivation du désir. Donc, qu'est-ce qu'il va trouver comme solution ? C'est de dire, effectivement, il y avait des rapports sexuels, il y avait de la sexualité. Sauf que, cette sexualité, elle était complètement maîtrisée. C'est-à-dire, de la même manière dont je contrôle ce mouvement que j'effectue sous vos yeux qui consiste à prendre mon gobelet en carton où il y avait... Et ben de la même manière avec mon sexe. C'est-à-dire que... Dénué de tout sous-entendu de fantasme, d'idée, d'intention, de désir. Alors, oui, mais qu'est-ce que vous essayez de dire quand vous dites dénué de tout fantasme, de tout désir... Bah de tout ce qui charge la sexualité de son côté culpabilisant. Foucault va repérer autre chose. Dénué de tout ce qu'il peut y avoir d'irrépressible, d'immaîtrisable dans la sexualité. C'est-à-dire, je veux dire, l'excitation sexuelle, à un moment, je peux pas contrôler. Je peux pas contrôler. Donc c'est l'involontaire que repère Saint-Augustin. C'est exactement ça. Et cet involontaire, voyez bien que pourquoi est-ce qu'il va faire reflet avec le péché originel ? C'est que par excellence, le péché, c'est un acte de désobéissance envers Dieu. C'est ce que dit saint Augustin. Mmh. C'est quoi le péché originel ? C'est quand je me suis révolté contre Dieu. Et je suis puni pour avoir été révolté. Mmh. Et c'est quoi la marque de ça ? C'est que quand ils sortent du péché originel, ils sont obligés de se cacher le sexe pour la première fois. Ils s'aperçoivent nus, c'est pas qu'ils s'aperçoivent nus, ils ont une excitation qu'ils peuvent pas contrôler. Au secours. Et c'est ça la sexualité. C'est cette part d'immaîtrisable en moi qui fait écho à la révolte contre Dieu. Donc la loi, l'apparition de la loi va naître de la désobéissance d'Adam et Ève, et cette apparition de la loi va faire qu'on va, elle va requérir une obéissance, mais plus que ça, qu'elle va frapper la sexualité du sceau de la libido, de la concupiscence, qu'on va devoir donc sans cesse réguler ou réprimer. Réguler, réprimer, c'est pas possible, puisqu'on vient de dire que c'est involontaire. Ouais. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un acte sexuel et que vous puissiez avoir des enfants, il faut qu'à un moment de votre séquence de l'acte sexuel, il y ait quelque chose qu'on va appeler le coït, l'orgasme, etc. C'est-à-dire, à un moment, vous contrôlez plus. Alors, on reprend je sais pas, c'est la toute première introduction, c'était l'écrit qu'on a entendu comme ouverture avant de me donner la parole. C'est-à-dire ces espèces de cris qui échappent, où on sent bien que dans l'acte sexuel, il y a un moment où ça m'échappe. Et ça, c'est la marque de la sexualité. Et ça, je veux dire, après, les pères chrétiens vont même dire, non mais imaginez que si le péché se transmet de génération en génération, c'est parce qu'il y a ce petit moment de coït qui fait que ça transmet le péché. Ce qui veut dire que la tâche du christianisme, d'une certaine manière, va être d'éradiquer cet involontaire. On peut pas. Mais alors comment faire avec ? Comment faire avec ? C'est, je vais vous poser la question, mais au moment du coït, est-ce que, oui ou non, vous n'avez pas secrètement consenti à ce moment et pris plaisir à votre plaisir. Je veux dire, c'est ça la ligne. Enfin, je veux dire, c'est un truc complètement fou. Ça veut dire que, puisqu'on ne peut pas éradiquer ni réguler l'involontaire, voilà, puisque de fait il est là, il va falloir qu'on mette en place des dispositifs juridiques. Ça veut dire qu'on va vous poser... D'acceptation, d'où la notion de consentement. Eh ben oui, c'est-à-dire la première, alors cette notion de consentement qui aujourd'hui est très importante. Très importante. Elle a été formulée pour la première fois... Mais dans ce cadre-là, du consentement de soi à son propre plaisir. C'est-à-dire qu'au fond, être traversé par un moment coïtal au moment de l'acte sexuel, je peux pas faire autrement. C'est la mécanique, c'est de la mécanique. Mais que, premièrement, j'accomplisse un acte sexuel pour chercher ça et pour l'obtenir, ou que, et pas pour faire des enfants, ou que je l'attende et qu'au moment où ça se passe, je me dis qu'est-ce que c'est bon, etc., ce que je suis en train de ressentir. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce consentement à son propre plaisir qui, à un moment, de toute façon, me traverse, c'est ça qui va être la faute. Et c'est pour ça qu'il parle de subjectivation, parce que comprenez bien que un directeur de conscience, si vous vous confessez à moi, sa question, ce sera... Pas seulement, ça sera aussi avec qui, à quelle heure, etc., dans quelles circonstances ou dans quelle position, enfin tout ce que vous voulez, ça continue peut-être à se poser, ce qu'on appelle le problème relationnel de la psychanalyse, de la sexualité, et qui était quand même le problème grec, c'est-à-dire le problème grec pour déterminer une bonne ou une mauvaise sexualité, c'était la fréquence, avec qui, avec un esclave, avec votre femme, dans quelle position, etc., à quel moment de la journée, qu'est-ce que vous aviez mangé avant, est-ce que vous aviez... Enfin, tous ces trucs comme ça. Là, la question, c'est que va devoir poser le directeur, surtout le directeur de conscience, c'est mais au moment où vous avez joui, est-ce que vous avez joui de votre jouissance ? C'est-à-dire que la est-ce qu'on a joui du fait d'avoir consenti ? Oui, est-ce qu'on va chercher ? C'est-à-dire que le problème, c'est le rapport de soi à son propre désir. Mm-hmm. Et donc, c'est, je veux dire, la sexualité, c'est un problème du sujet. C'est-à-dire que je vais devoir me poser la question, mais au fond, comment j'étais au moment où je prenais du plaisir ? Mais ce qui est paradoxal, puisque... Mais c'est ça, le désir. Mais ouais. Ce qui est paradoxal... Ne vous énervez pas. Non, je ne m'énerve pas. Mais... Ce qui est paradoxal, parce que le christianisme repose sur l'idée d'un, à l'inverse justement de ce qui précède, même s'il n'y a pas de tournant franc, de rupture franche et tout par le christianisme, pas sur la construction éthique du sujet, de soi, mais sur un renoncement à soi. C'est-à-dire qu'on va devoir à la fois traquer, essayer de construire son propre désir en soi, sa propre identité, tout en se niant soi-même, en se culpabilisant. Ce qui met, vous avez employé ce terme, Frédéric Roux, de ligne de crête, ce qui met véritablement l'individu dans une situation intenable. Alors, est-ce qu'il jouit de prendre du plaisir ou est-ce qu'il jouit d'être dans une situation intenable avec laquelle il va transgresser puis se rétracter, etc. Il y a deux choses dans votre question. Moi je pense, et ça Foucault l'avait, je veux dire, l'avait senti, ce que vous appelez le paradoxe, parce que, au fond, une des manières un peu, un peu facile et pas forcément fausse de présenter les choses, c'est dire, oh oui, au moins avec les Grecs, on a des techniques de soi, on a une construction éthique du sujet, par des moyens de techniques spirituelles, on va se construire un sujet fort, etc. Alors que dans le christianisme, il est question de quoi ? Il est question de renoncement, il est question de, d'ascèse, il est question de privation, de culpabilité, etc. Sauf que ce que voit bien Foucault, c'est que la figure du sujet moderne, effectivement, l'espèce de coup de génie culturel du christianisme, c'est d'avoir pu, au moment même où on allait développer des techniques de renoncement à soi, de privation, faire émerger, parce que ce sujet, pour y renoncer, il faut d'abord que je le construise en moi. Et il faut que je ne cesse de le susciter. Mais qu'est-ce que tu as voulu? Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Mais qu'est-ce que tu désirais? Etc. Et ça, et en même temps qu'il pose cette question, se déploie cette lumière, cette nappe de « je dois me connaître ». Parce que pour pouvoir renoncer à soi, il faut d'abord commencer par se connaître. C'est-à-dire que le christianisme est l'espèce de formidable alliage improbable entre « renonce à toi-même » et « connais-toi toi-même ». Connaissance de soi et renoncement à soi sont des frères jumeaux complètement improbables et qui vont fournir. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de s'en débattre depuis 20 siècles. Parce qu'on est toujours dans les deux, vous voyez. Vous avez parlé du nouage, Frédéric Gros, entre justement la vérité, la sexualité et la loi. Je vous propose d'écouter une archive où là on sort un petit peu du cadre en fait de l'histoire de la sexualité, mais ça concerne quand même ce texte. C'est une vidéo qui est ressortie il y a peu de temps, au moment de la sortie du consentement de Vanessa Springora, sur les années 70, où un certain nombre de philosophes, dont Michel Foucault, ont défendu, en tout cas voulu dépénaliser les rapports sexuels entre adultes et mineurs, et il en parle dans cette archive. Ce qui se dessine, c'est un nouveau système législatif qui se donnera pour fonction de protéger des populations considérées comme particulièrement fragiles. De là, une législation qui risque fort de faire appel à cette notion de la population à haut risque et qui fera appel à ce moment-là à tout un savoir psychiatrique ou psychologique, imbibé d'une psychanalyse de bonne ou de mauvaise qualité, peu importe au fond, et qui donnera au psychiatre le droit d'intervenir deux fois. Premièrement, en termes généraux, pour dire « oui, bien sûr, la sexualité de l'enfant, elle existe. Mais nous autres psychologues, ou psychanalystes ou psychiatres, nous savons parfaitement que la sexualité de l'enfant est une terre qui a sa géographie propre, mais terre qui doit garder sa virginité. Et il interviendra donc comme garant de cette spécificité de la sexualité enfantine qu'il faut protéger. Et d'autre part, il dira, voilà qu'un adulte est venu mêler sa sexualité à la sexualité de l'enfant. Peut-être l'enfant a bien pu désirer cet adulte. Peut-être bien il a consenti. Peut-être même a-t-il fait les premiers pas. On admet même que c'est lui qui a séduit l'adulte. Mais nous autres, avec notre savoir psychologique, nous savons parfaitement que même l'enfant séducteur va subir un certain dommage et un traumatisme du fait qu'il aura eu affaire à un adulte. Et par conséquent, il faut protéger l'enfant de ses propres désirs dès lors que ses désirs l'orienteraient vers l'adulte. Et c'est par conséquent, à l'intérieur de ce cadre juridique, va se précipiter un pouvoir médical qui sera à la fois arbitraire et fondé sur une conception de la sexualité et surtout des rapports de la sexualité enfantine et adulte qui est entièrement contestable. Alors c'était une émission sur France Culture enregistrée en 1977, donc un an après la volonté de savoir. Tout à l'heure j'ai parlé de vidéos, mais en fait il s'agissait aussi de tribunes en fait de plusieurs philosophes qui ont été signés. Donc il y avait par exemple aussi Beauvoir, Sartre, Dolto qui ont signé ces pétitions là et qui entachent tout le propos de Foucault là dans ce qu'on a entendu. de son propos sur l'histoire de la sexualité. C'est-à-dire que là, ce qu'il dit en 77 nous paraît proprement indéfendable aujourd'hui en 2022, scandaleux même, et qui peuvent effectivement peut-être amender certains propos qu'il a eus dans les années 70-80 d'un point de vue philosophique. Oui, d'un point de vue philosophique. Alors, il faut voir, parce que cette histoire de pétition, d'abord, il y en a eu deux. Et la deuxième, qui était absolument scandaleuse, qui a été signée par un certain nombre d'intellectuels, Foucault ne l'a pas signée, donc il faut... Oui, il en a signé qu'une. Mais qui déjà, était... Oui. Et ensuite, il faut dire, Foucault n'a jamais fait l'éloge de la pédophilie. Après, ce qu'il est en train de dire là, c'est que ce dispositif qui se branche sur la sexualité de l'enfant peut permettre quelque chose comme un surpouvoir médical. Voilà. Enfin, après, moi, il s'agit pas, si vous voulez, de défendre à tout prix et à tout craint Foucault. Mais je trouve simplement qu'on lui fait dire, des choses qu'il n'a pas dites. Si vous pensez même au-delà de ça, c'est cette histoire sinistre de comment s'appelait-il de Monsieur Sormant Guy Sormant, qui a raconté que Foucault aurait qu'on lui a dit qu'il aurait violé en 69 dans un cimetière des enfants en Tunisie, alors que dans les dates qu'il dit, Foucault avait quitté déjà la Tunisie depuis longtemps, qu'ensuite il s'est plutôt rétracté en disant « Ah ouais, mais je me souviens plus, on m'a dit, etc. » Je trouve qu'il y a une manière de décrédibiliser cette parole par... une façon de lui prêter, si vous voulez, des éloges de la pédophilie dont il était très très éloigné. C'est-à-dire, vous trouverez pas d'énoncés qui vont dans le sens de ce qui a pu être dit. Et ça, je le reconnais avec vous, comme tout à fait, mais au-delà d'excessif, comme tout à fait intolérable, scandaleux, voilà. Insoutenable et scandaleux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric Gros. Alors de vous, on peut lire Michel Foucault aux éditions Que sais-je, qui nous a bien aidé à préparer cette semaine. Je crois qu'il s'est réédité pour la 5e fois. Voilà. La honte est un sentiment révolutionnaire qui est paru aux éditions Albin Michel. Je peux aussi quand même citer Désobéir aussi aux éditions Albin Michel. Et puis bien sûr, votre incontournable Marché, une philosophie, gros succès, reparu chez Flammarion en 2021. Et puis bien sûr, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez lire toute l'histoire de la sexualité qui est disponible chez Gallimard, et puis ce 4e volume de l'histoire de la sexualité, Les aveux de la chair, toujours aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci. Écoutez Madonna, Like a Virgin, et maintenant vous allez écouter la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment Anne Dufourmentel a-t-elle écrit chacun de ses livres ? Anne Dufourmentel reste dans nos mémoires en 2022 notamment en raison de sa disparition tragique, il va bientôt y avoir 5 ans. Anne Dufour-Mantel, c'est cette philosophe et psychanalyste, autrice notamment de « Éloge du risque », un livre que beaucoup ont relu, ressorti pour ainsi dire, au moment de sa tragique disparition dans un été 2017 où, pour sauver des enfants qui se noyaient sur une plage apparemment paisible, elle a plongé dans la mer en réalité en tempête, a sauvé en effet ses enfants, mais y a laissé sa propre vie en raison d'une fragilité cardiaque insoupçonnée alors. Anne Dufour-Mantel, a-t-on dit alors, mettait en acte ce qu'elle disait dans son éloge du risque, en particulier ce livre, parmi d'autres aussi extraordinaire que les autres, que Défense du secret, Intelligence du rêve ou tant d'autres. Anne Dufour-Mantel a donc écrit plusieurs livres où elle articulait psychanalyse et philosophie d'une manière discrète et qu'il faut relire. Mais justement, il faut y voir sans doute une des grandes œuvres philosophiques de ce début du XXIe siècle et se demander comment elle pratiquait ce lien entre psychanalyse et philosophie, la prendre au sérieux bien au-delà, si j'ose dire, de son sacrifice personnel et de la manière dont il mettait en cohérence et en acte ce qu'elle écrivait, notamment dans Éloge du risque. Comment Anne Dufour-Mantel donc écrivait-elle chacun de ses livres? On peut le deviner aux thèmes justement qui apparaissent. Défense du secret, Éloge du risque, En cas d'amour, Intelligence du rêve. Au fond, Anne Dufour-Mantel voyait surgir dans sa pratique clinique, avec ses patients, des questions concrètes qui traversent chacun d'entre nous et qu'elle rassemblait à chaque fois autour d'une question, avec tous les paradoxes de l'inconscient. Par exemple, les dangers de garder un secret, mais aussi l'importance pour chaque sujet humain de protéger ses propres secrets, de les assumer, certes, de les faire surgir dans l'espace protégé du cadre de la relation analytique, de la psychanalyse, mais aussi de ne pas y renoncer. Car dans les secrets les plus intimes de chacun, il y a aussi un engagement personnel, une façon pour la vie d'avoir sa singularité et son intensité. Et de même, l'éloge du risque n'est pas un éloge inconsidéré du risque, c'est justement l'idée que notre ambivalence à l'égard du risque, la résistance à l'égard de ces dangers inconsidérés, mais aussi l'importance, la nécessité de mettre en jeu sa propre vie pour de vrai, dans le réel de l'existence, cette ambivalence du risque, elle surgit dans la relation clinique. Elle n'a rien de fascinant ou d'unilatéral, mais c'est dans l'entretien secret de la psychanalyse qu'elle surgit et que la philosophe doit en faire un problème. Ainsi, la psychanalyse nourrit la philosophie à deux conditions, à condition d'entendre la voix des sujets, mais aussi de poser le problème universel. Et c'est alors que s'unissent dans l'œuvre d'Anne Dufour-Mantel, de livre en livre, l'articulation des problèmes généraux et de la vie concrète, cette articulation qu'ensuite chacun met en œuvre. Qu'est-ce qui l'a conduite à ce sacrifice, à sauver la vie des autres, à mettre en jeu la sienne? On ne peut pas le dire, mais on sait que c'est la cohérence ultime. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Thaïs Eloam, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, Marie-Claire Roumabadi avec Dali Yaha. Merci à Bernard Gabé pour la lecture des textes. Vous pouvez réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. Et on se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi. Et demain, place à un objet inattendu, la punchline. Et oui, ce sera avec David Adjerad. À demain sur France Culture.